إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui l'explication d'un petit livret qui est écrit par Cheikh Mohamed Bazmoul, hafizahullah, qui s'appelle Al-Islam ala Muftaraqi Turuq. C'est-à-dire, je l'ai traduit par l'islam à la croisée des chemins. Et dans ce livre, qu'est-ce que le Cheikh explique? C'est certaines tendances qui existent parmi certains musulmans à notre époque, d'avoir des positions qui sont parfois extrêmes sur certains sujets. Et parfois on voit que certains musulmans, ils prennent une position extrême ou bien l'autre, alors que ces deux positions-là sont des positions opposées, mais qui sont toutes les deux des positions incorrectes. Et que la position de vérité vis-à-vis de ces deux extrêmes-là, c'est la position de l'islam, la position du juste milieu, la position qui est supportée par les preuves du Coran et de la Sunna. Et le Cheikh, il a divisé le livre en différents points par rapport à certaines erreurs qui existent chez les gens, et ces différentes tendances qui existent aussi. Donc il a divisé ça en sept points. Le premier, il a dit « al-ittijah al-fiqhi », donc la tendance dans le fiqh. Donc les erreurs que certaines personnes ont par rapport à la tendance qu'ils ont vis-à-vis du fiqh. Le deuxième, c'est « al-ittijah al-hadari », donc la position qu'ils ont vis-à-vis de la civilisation. La troisième, c'est « al-ittijah al-da'awi », c'est la position, les tendances qui existent vis-à-vis de la da'wah. La troisième, al-ittijah al-akhlaqi, c'est-à-dire la tendance qu'ils ont vis-à-vis du comportement, l'akhlaq. Al-ittijah al-ta'limi al-islahi, c'est-à-dire la tendance qu'ils ont vis-à-vis de l'enseignement dans le but de réformer, l'enseignement réformateur. Et le sixième, al-ittijah al-tarbawi, c'est-à-dire la tendance vis-à-vis de l'éducation. Et la septième, al-ittijah al-iqtisadi, c'est-à-dire la tendance par rapport à l'économie. Et donc, il explique, le cheikh, que dans tous ces différents points-là, tu trouves que parfois certains musulmans, ils adoptent une position et d'autres adoptent une autre position. Et ces deux positions-là sont des positions opposées et extrêmes. Et que le juste milieu, parfois, dans ces positions-là, c'est une position qui est totalement différente. Et donc, on va voir les erreurs qui existent dans ces différentes tendances-là, inshallah. Le Cheikh dit « Bismillahirrahmanirrahim »« Yara al-Muslim fi hadha al-asr ikhtilafan kathiran haythuma wajjaha wajhahu sawa' fi bab masail al-fiqh min ibadatin wa mu'amalatin » أم في مناهج الدعوة أم في غير ذلك، ويقف بعض المسلمين أمام هذا الاختلاف الكثير حائرين مترددين، إذ إن على كل مفرق الدعاء على كل مفرق أو كل مفرق دعاة يزينونه ويستدلون له ويلبسون ما لديهم أو يلبسون ما لديهم من الباطل بشيء من الحق فلا يكاد يبين. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السبيل وأوضح المحجة، فما تركنا إلا على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فأوضح الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن العرباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذفرت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا يا رسول الله؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، ومن أدرك ذلك منكم فعليه بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وعن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه السبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Donc le cheikh il explique premièrement qu'on voit beaucoup de, que le musulman à notre époque il voit beaucoup de divergences lorsqu'il s'oriente, il se dirige vers quelque chose. Akhi, tu l'as éteint le ventilateur? Ah, il s'est... Ah, ok. Barakallahu fik. Naam, le musulman, il voit à notre époque beaucoup de divergences, peu importe que ce soit dans les questions de fiqh ou dans les questions d'adoration et dans les questions d'interaction ou bien dans les questions de méthodologie de da'wah ou bien d'autres sujets. Il voit beaucoup de divergences. Et certains musulmans, lorsqu'ils arrivent devant ces divergences-là, ils sont confus. Ils sont confus. Et ils sont dans l'hésitation. Ils ne savent pas de quel côté aller, de quelle direction prendre. Et donc, à la croisée de chacun de ces chemins de divergence, il y a des gens qui appellent les musulmans et qui essaient de leur embellir certaines faussetés ou certains égarements, et ils essaient de ramener pour supporter leurs égarements différentes preuves, et ils essaient de mélanger le vrai et le faux. Ils essaient de couvrir ce qu'il a comme fausseté par quelque chose de la vérité, et donc ça devient un peu compliqué pour les gens de pouvoir comprendre de façon claire yani la vérité au sujet de ces divergences-là. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a clarifié le chemin et il a rendu clair la voie à suivre. Et il nous a pas abandonnés comme ça, il nous a laissé sur une voie qui est éclatante et claire. Et sa nuit est comme le jour, c'est-à-dire la nuit, sa nuit est claire comme son jour, et personne ne se détourne de sa voie, excepté qu'il périt. Et il a clarifié le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dans surat Al-An'am, et voici mon chemin dans toute sa rectitude, mon chemin droit, voici mon chemin droit dans toute sa droiture, dans toute sa rectitude, alors suivez-le. Et ne suivez pas les sentiers qui vous diviseront de son chemin. Voilà en quoi il vous enjoint pour que vous puissiez atteindre la taqwa, la piété. Et il rapporte selon Al-Irbad ibn Sariya, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a fait une exhortation un jour, après la prière du matin. Et cette exhortation était très touchante, et elle a fait couler les larmes de nos yeux et frémir nos cœurs. Il dit à un homme parmi nous qui a dit: ô messager d'Allah, On dirait que c'est l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Alors, qu'est-ce que tu nous enseignes ou qu'est-ce que tu nous demandes de faire hein, au messager d'Allah? Alors, il a dit, je vous enjoins de faire preuve de piété envers Allah, d'avoir la taqwa envers Allah, et d'écouter et d'obéir, même si celui qui est votre dirigeant est un esclave éthiopien. Parce que il dit que celui qui va vivre parmi vous, il va voir beaucoup de divergences. Alors prenez garde aux nouvelles choses qui sont inventées dans la religion, car ce sont des égarements. Et celui d'entre vous qui fait face à cela, qui arrive dans cette époque ou dans ce temps où il va voir ces divergences-là, alors qu'il s'accroche à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, qu'il morde dedans avec ses molaires, et il rapporte également selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhumah que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait sur le sol, une ligne droite, et il a dit ceci: le chemin d'Allah. Puis, à gauche et à droite de ce chemin, de cette ligne, de ce trait, il a fait des petits traits qui vont de chaque côté, à gauche et à droite. Et il a dit, ceux-ci sont des chemins de division, hein, des chemins d'égarement. Et à la tête de chacun de ces petits chemins, il y a un diable qui invite les gens à le prendre. Et donc il dit, ensuite il a récité le verset 153 dans Surat Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman, voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les petits sentiers qui vous diviseront de son chemin. Il cite ensuite le cheikh une parole de Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit qala Ibn Taymiyyah rahimahullah fi naqd al-mantiq, وإذ تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المثال وتأمل سائر الطوائف من الخوارج ثم المعتزلة ثم الجهمية ثم الرافضة ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل الكلام مثل الكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم وأن كل منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث ويدعي أن سبيله هو الصواب وجدت أنهم المراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم الذي لا يتكلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والعجب أن من هؤلاء من يصرح بأن عقله إذا عرضه الحديث لا سيما في أخبار الصفات يعني حمل الحديث على عقله وصرح بتقديمه على الحديث وجعل عقله ميزانا للحديث ليث شعري هل عقله هذا كان مصرحا بتقديمه في الشريعة المحمدية فيكون السبيل المأمور باتباعه أم هو عقل مبتدع جاهل أو هو عقل مبتدع جاهل ضال حائر خارج عن السبيل فلا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله. Donc la citation de Cheikh l'Islam dans Naqd al-Mantiq à la page 49, il dit: lorsque la personne raisonnable, personne intelligente, lorsqu'elle observe l'exemple, lorsque la personne raisonnable et intelligente qui espère en la rencontre d'Allah médite sur l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, l'exemple d'Abdullah ibn Mas'ud quand il a tracé le trait avec les lignes à gauche et à droite, il dit lorsque la personne intelligente qui espère en la rencontre d'Allah médite sur cet exemple-là qui a été mentionné dans ce hadith et qu'il médite sur tous les autres groupes, hein, parmi les groupes d'égarement, parmi les khawarij, puis ensuite les mu'tazila, ensuite les jahmiya et les rafida, et ceux qui sont plus proches de la sunna que ces groupes-là, parmi les gens de kalam, comme les karamiya, les kullabiya, les ash'ariya, Et comme le Cheikh Mohamed Aman, Al-Jami, rahimahullah, il a expliqué une fois, il a dit, si on dit d'un groupe qu'il est plus proche d'Ahl al-Sunnah, ça ne veut pas dire qu'il fait partie d'Ahl al-Sunnah. Ça veut juste dire qu'il est moins égaré par rapport à l'autre. Hein? Mais il ne faut pas s'imaginer que parce que le Cheikh Ibn Taymiyyah ici, il dit qu'ils sont plus proches que ceux-là de la Sunnah, que ça veut dire qu'ils sont corrects. Non, ils font eux aussi parmi les gens de Bid'ah. Les gens de Kalam, comme les Karamiyyah, les Kullabiyyah et les Ash'ariyyah, ce sont eux aussi des groupes qui font partie de la Bid'ah, mais ils sont moins loin de la Sunnah que les Rafidah, hein, les Mu'tazila et les Jahmiyyah, et ainsi de suite. Donc, certains parfois, ils prennent ça, ils pensent que c'est une parole d'éloge, alors qu'en réalité, c'est pour clarifier qu'ils sont égarés, mais moins égarés que les autres. Il dit, وَأَنَّ كُلَّ مِّنْهُمْ لَهُ سَبِيلٌ يَخْرُجُ بِهِ عَمَّا. Donc, il dit, et que chacun d'entre eux, et la preuve de ça, hein, il dit, donc, ils sont ceux qui, il dit, donc, si tu médites sur les différents groupes qui sont égarés, comme les Khawarij, les Mu'tazila, les Jahmiya, les Rafida, et ceux qui sont plus proches de la Sunna parmi eux, comme par exemple les gens de Kalam, et ils donnent comme exemple les Karamiya, les Kullabiya et les Ash'ariya, et d'autres également, il dit que chacun d'entre eux, ils ont une voie par laquelle ils sont sortis de ce que suivaient les Sahaba et les gens du Hadith. Et il prétend que sa voie, c'est elle qui est correcte. Et donc il dit, et donc tu, quand tu médites sur le Hadith en question, hein, le Hadith du trait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dessiné avec les petits traits à gauche et à droite, il dit, quand tu médites sur cet exemple que le prophète infaillible a donné, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne parle pas selon la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée, tu vas constater que c'est ça, la réalité. Hein, que c'est chacun de ces groupes font partie des gens qui sont sortis et qui ont quitté la voie des Sahaba et des gens du Hadith. Et qu'est-ce qui est étonnant, c'est que parmi ceux-là, il y en a qui vont jusqu'à dire que si le Hadith est en contradiction avec sa logique à lui, en particulier dans les questions qui ont rapport avec les attributs, il va prendre le Hadith et l'interpréter selon sa logique. Et d'autres vont même jusqu'à dire explicitement qu'il faut donner précédence à sa compréhension et à sa logique, à sa raison, sur le Hadith. Et donc il a fait de sa logique à lui une balance pour juger le Hadith. Hein? La référence pour établir qu'est-ce qui est acceptable ou non parmi les Hadiths, c'est sa logique à lui, sa raison. Et il dit, et là il s'étonne en disant, est-ce que on voit dans la charia que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ramené, que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont mentionné dans la révélation et dans la charia que la référence pour comprendre la religion, c'est sa logique à lui, hein? Est-ce que tu as vu par exemple dans le Coran et dans la Sunna que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, si vous voulez comprendre ma parole et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, retournez à la compréhension de Al-Ash'ari ou de Al-Kullabi ou un autre parmi les hommes. Et donc le Cheikh il dit, ou bien, et donc il dit, est-ce que c'est ça qui est ordonné de suivre, ou bien c'est la logique ou la compréhension ou la raison d'un innovateur ignorant, égaré, qui est confus et qui est sorti du droit chemin. Il dit, فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Et ça, c'est la fin de la citation. Et donc, le Cheikh, il continue ensuite. Il dit, وَعَنْ مُعَاوِيَةِ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا فَقَالَ ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وعن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي فالأصل الذي يميز الصراط المستقيم عن غيره من السبل أنه يقوم على الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح وهذا هو السبيل هذا السبيل المؤمنين الذي يلزم اتباعه وطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى حيث قال تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وطلبا لسبيل النجاة والفكاك من التوعد بالنار حيث قال صلى الله عليه وسلم محذرا من مخالفته لما ذكر الفرق والافتراق كلها في النار إلا واحدة قيل من هي قال ما أنا عليه وأصحابي وهذا السبيل لا يستطيع أهل البدع والأهواء فإنهم يشتركون مع أهل السنة في انتحال الكتاب والسنة ولكنهم ينقلبون على ظهورهم إذا جاء القيد الذي هو عصمة الفهم وهو أن يتقيد الفهم للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح donc le cheikh il dit ensuite que c'est rapporté selon Muawiyah ibn Abi Sufyan qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé parmi nous et il a dit le messager d'Allah s'est levé parmi nous et il a dit ceux qui étaient avant vous parmi les gens du livre se sont divisés en 72 sectes donc 72 groupes et parmi cette umma ils se diviseront en 73. 72 seront en enfer et une seule au paradis. Et c'est le groupe, c'est la Jama'a. Et il est rapporté selon Abdurrahman al-Afriqi, Abdurrahman ibn Ziyad, selon Amr, il mentionne la chaîne, il dit, Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui s'est passé ou Bani Israël va se passer dans cette umma également. Hazwa al-na'li bin-na'l. C'est comme la distance d'un pied. Pied par pied. Ça veut dire pas à pas. C'est comme si, étape par étape, on va les suivre. Jusqu'à ce que, si l'un d'entre eux faisait un péché avec sa mère ouvertement, il y aura dans cette umma, dans ma umma, quelqu'un qui va faire la même chose. Il voudra faire la même chose, Allah al-Musta'an. Et donc il dit, et Bani Israël se sont divisés en 72 sectes, et dans cette umma, il y en aura 73. Elles seront toutes en enfer, excepté une. Ils ont dit, et laquelle est-ce au messager d'Allah? C'est-à-dire laquelle qui ne sera pas en enfer au messager d'Allah? Il a dit, ceux qui sont sur ce que je suis moi-même aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Donc le cheikh dit, la base qui distingue le droit chemin des autres chemins, parmi les sentiers d'égarement, c'est qu'il doit être établi sur le livre d'Allah, sur la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et être basé sur à la lumière de la compréhension des salafs salih. Et c'est ça la voie des croyants, qui est obligatoire à chacun de suivre en obéissance à l'ordre d'Allah, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans c'est dans sourate An-Nisa le verset 115, il dit quiconque fait scission avec le messager après que la guidance lui ait été clarifiée et qui suit autre que la voie des croyants, nous le laisserons se détourner tel qu'il s'est détourné et nous le brûlerons en enfer et quelle mauvaise destination. Et par obéissance au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam également, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Mordez dedans avec vos molaires. Et également, on doit suivre leur compréhension en recherchant la voie du salut, hein, et de sortir de la menace de l'enfer. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti de celui qui, hein, le contredit, hein, lui, le contredit, et lorsqu'il a mentionné les différentes sectes qui ont dévié parmi les 73, il a dit elles sont toutes en enfer excepté une. Et quand on a demandé laquelle au messager d'Allah, il a dit ce que je suis aujourd'hui et mes compagnons. Et il dit que cette voie, il dit personne d'entre les gens de Bid'a n'est capable de prétendre à la suivre. Cette voie, hein, la voie des salafs, personne ne peut parmi les gens de Bid'a prétendre à la suivre. Parce qu'on a tous en commun, hein, ils ont toutes ces sectes, elles ont une chose en commun avec les gens de Ahl Sunna, c'est qu'ils prétendent tous suivre le Coran et la Sunna. Hein, tu vas voir les Rafida, tu vas voir les Asha'ira, tu vas voir les Soufiya, tu vas voir les Mu'tazila ou autres. Elles ont toutes, hein, en commun qu'elles prétendent toutes suivre le Coran et la Sunna. Tu vas voir des Ikhwan aujourd'hui, tu vas voir des Tablir aujourd'hui, tu vas voir des Khawarij aujourd'hui. Hein, tu vas voir des gens de Daesh, Al-Qaïda et d'autres groupes d'égarements. Tu leur demandes qu'est-ce que vous suivez. Ils disent nous on suit le Coran et la Sunna. Hein? Mais le Cheikh il dit mais par contre, lorsque vient la restriction ou la mention de la compréhension qui est infaillible, c'est-à-dire le fait de se limiter à la compréhension du livre et de la Sunna selon la compréhension des salafs salih, ils tombent sur le dos. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas supporter, ils ne peuvent pas suivre cette voie-là. Parce que leur compréhension, c'est là que vient le problème avec eux. Ils disent tous, oui, on suit le Coran et la Sunna. D'accord, vous suivez le Coran et la Sunna, mais selon la compréhension de qui? Hein? Est-ce que c'est la compréhension des salafs, ou bien la compréhension de Jahm ibn Safwan, ou la compréhension de yani, Al-Ma'bad al-Juhani, ou bien la compréhension de Wasil ibn Atta, ou bien la compréhension de un autre parmi les gens de Bid'a, Hassan al-Banna ou Sayyid Qutb ou Muhammad al-Yas al-Kandahlawi ou d'autres parmi les groupes et les sectes du passé, ou bien des sectes contemporaines, ou bien vous suivez la compréhension de Abu Bakr wa Omar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum et des autres parmi les ulama, parmi les sahaba. Hein, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Omar, hein, Aisha radiyallahu anha, et Abdullah ibn Zubair et d'autres parmi les ulama. Donc c'est ça le problème, c'est la compréhension des textes et la méthodologie à adopter pour comprendre les textes. Est-ce que c'est la compréhension des salafs salih ou autre? Il dit وهذه المقالات موضوعها بيان السبيل الذي على المسلم أن يسلكه أمام هذه المفارق التي قد يقف أمامها حائرا مترددا وسأورد بعض الاتجاهات على سبيل التمثيل والتوضيح وقد تبين لي بعد التأمل والنظر أن لكل مجموعة من السبل والمفارق اتجاها عاما يشملها فهناك الاتجاه الدعوي ويشمل جملة من السبل وهناك الاتجاه الفقهي ويشمل جملة من السبل وهناك الاتجاه الأخلاقي يشمل جملة من السبل وقس على هذا. Donc le Cheikh il dit dans toutes ces différentes positions et ces différentes paroles, il dit le sujet qui revient, c'est la clarification du chemin que le musulman doit suivre devant toutes ces divisions, hein, et la croisée de ces différents chemins-là. Hein, que tu restes pas devant ces différents chemins confus et hésitants. Hein, chaque fois que tu croises un de ces chemins, toi tu suis le droit chemin que Allah il a tracé, que Allah il t'a ordonné de suivre. Mais à chaque fois que tu croises un autre petit sentier, hein, là tu deviens confus. Est-ce que je continue à droite ou bien je continue à gauche ou est-ce que je continue tout droit? Parce que ceux qui t'appellent à aller à gauche ou à droite, ils vont essayer de t'embellir le chemin. Ils vont essayer de te faire croire que leur voie et leur chemin, ils l'amènent quelque part. Hein? Ils vont te dire, « Ahi, toi, ton chemin que tu suis maintenant, là, hein, tu devrais suivre notre chemin parce que notre chemin, il est plus rapide. Ou bien notre chemin, il est plus propre, plus beau. Ou bien il est plus facile. Ou bien il est plus ci ou plus ça. » Et c'est ça qui est dangereux. Donc, il dit, « Je vais présenter certaines tendances qui existent. » Juste pour donner des exemples et pour clarifier. Et c'est des choses qui me sont apparues après avoir observé et médité sur ces sujets-là. Et chacun de ces différents petits sentiers, hein, à la croisée du chemin, ont des tendances et chacun comprenne différentes égarements. Et donc il dit, il y a la tendance dans la da'wa, il y a la tendance dans le fiqh, il y a la tendance dans le comportement, et ainsi de suite. Donc il dit, وَمِنْ مَفَارِ فَمِنْ مَفَارِقِ الطُّرُقِ الَّتِي يَقِفُ أَمَامَهَا الْمُسْلِمِ الْاتِّجَاهُ الْفِقْهِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى عِدَّةِ سُبُلِ فَإِمَّا أَنْ يَسْلُكَ الْمُسْلِمِ سَبِيلَ الْمُقَلَّدَةِ فَيُقَلِّدُ فِي دِينِهِ مُطْلَقًا سواء كان عاميا أم لا وسواء تبين له الدليل أم لا بل قد يصل في هذا السبيل إلى منع النظر وغلق باب الاجتهاد وأن التقليد هو الواجب وإما أن يسلك سبيل الاجتهاد دون تفرقة بين العوام وطلاب العلم فالكل عليه النظر والاجتهاد ويعمل بعقله وقد يصل الأمر إلى نوع من الفوضى الفقهية في الترجيح والنظر فيصير كل شخص يجتهد وله رأي ولديه في كل مسألة تعرض أمامه راجح ومرجوح وإما أن يسلك السبيل الذي قرره أهل العلم الذين تبعوا سبيل المؤمنين ولزموا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا المسلم إما أن يكون عالما بالحكم من الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح وإما أن يكون غير عالم. On va continuer, Inch'Allah. Le Cheikh, il explique que la première tendance est la tendance par rapport au fiqh. Et donc, ici, il y a plusieurs sentiers qui se séparent. Il dit, soit que le musulman, il va emprunter le chemin ou le sentier des muqallada. Al-muqallida. Qui sont al-muqallida? Al-Muqallida, c'est ceux qui appellent à suivre aveuglément un madhab parmi les madhahib, ou un savant parmi les savants. Et tout ce qu'il dit, tout ce qui est dans ce madhab, tu le suis. Même si tu ne connais pas le dalil, ou même si le dalil est en contradiction avec ce qu'il enseigne, tu le prends, hein, jumlatan, tu le prends en gros, tu le prends au complet, et tu suis tout ce qu'il y a dedans aveuglément, sans questionner. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle la voie des muqallida. Ceux qui veulent suivre de façon aveugle dans leur religion, yani ce que une position d'un savant, ce qu'un savant a déterminé dans son madhab. Et ça, c'est pour eux de façon absolue. Peu importe que tu sois un musulman ordinaire, du commun, qui n'a pas de ilm, ou que tu sois un savant, ou que tu sois un talib ilm, peu importe, tu suis aveuglément. Et certains vont même jusqu'à interdire l'observation, la méditation, ou même ils ordonnent même de fermer la porte de l'ijtihad, c'est-à-dire tu ne peux plus faire d'efforts pour arriver à comprendre ou connaître un verdict dans la charia. Ils considèrent que le taqlid, le fait de suivre aveuglément, c'est une obligation, obligatoire. Et il dit, soit que tu vas suivre une autre position, c'est l'opposition opposée, c'est-à-dire le contraire de cette position-là. Il dit, c'est que tu vas suivre la voie de l'ijtihad, sans distinguer entre les musulmans du commun, qui n'ont pas étudié l'islam, et les tulab al-ilm. Et tu vas ordonner à tout le monde de faire l'ijtihad, sans distinction. Donc même les musulmans qui n'ont jamais étudié l'islam, qui n'ont pas de ilm, tu leur ordonnes de faire l'ijtihad eux aussi. Et de chercher les preuves, et de chercher les arguments, et de comprendre les principes et les règles, et de déduire leurs propres conclusions dans la charia. Donc tout le monde doit observer, analyser, comprendre, juger avec sa raison. Et ça peut même arriver qu'ils arrivent à une sorte de désordre, hein, un chaos dans la compréhension du fiqh, et dans la façon de déterminer quelle position est plus forte que l'autre. Hein. Et donc ça veut dire que pour eux, tout le monde est un mujtahid. Hein, tout le monde doit faire l'ijtihad. Et quand ils arrivent devant une question divergente, eh bien, chacun doit essayer de comprendre quelle position est plus proche de la vérité que l'autre. Et ça, bien entendu, c'est impossible en réalité. Mais c'est de l'extrémisme, c'est de l'égarement. Mais ces tendances-là existent pour de vrai. Hein? Qu'est-ce que le cheikh il mentionne là? C'est pas juste comme des exemples qu'il a inventés de nulle part. Il y a des gens parmi les musulmans qui pensent comme ça réellement. Et c'est des courants qui circulent comme ça parmi les musulmans. Et tu vois qu'actuellement, il y a cette tendance-là qui commence à se propager même parmi certains prêcheurs francophones. Hein, qui commencent à dire, par exemple, oh, moi je suis maliki, moi je suis shafi'i, moi je suis hanbali. Hein? C'est-à-dire, ils essaient de faire concurrence à la salafie. Ils essaient d'opposer la compréhension des salaf. Donc ils disent, ah, eux, ils sont tous en train de dire, salaf, salaf, salaf, nous, on va ramener les madahib. Hein? On va dire aux jeunes, mémoriser les moutons, et là, on va apprendre le madhab, on va faire ci, on va faire ça. Sans clarifier, sans distinguer, et en mélangeant le vrai et le faux. Donc le cheikh, il dit, soit tu vas suivre la voie qui a été établie par les hommes de la science, qui suivent la voie des croyants, hein, et qui ont suivi ce que suivait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Et qui ont dit, le musulman, soit qu'il est un savant, hein, qui connaît le verdict de ce qui a été établi dans le livre d'Allah et dans la sunna, à la lumière de la compréhension des salafs salih, ou bien soit qu'il n'est pas un savant. Donc déjà, il faut distinguer la situation de la personne. Ce n'est pas tout le monde qui est égal par rapport au fiqh. Il y a la personne qui a du ilm, il y a la personne qui est un talib ilm, il y a la personne qui est un alim, et il y a la personne qui est ignorante. Hein, c'est différent. Chacun, il a son verdict et son statut. Et donc, le cheikh, il dit, « وَوَظِيفَةُ مَنْ لَا يَعْلَمْ سُؤَالُ مَنْ يَعْلَمْ دون أن يقيد سؤاله في طلب الحكم بعالم معين فيسأل من يثق في دينه وعلمه وتقواه وورعه امتثالا لأمر الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Donc le cheikh il dit, le devoir de la personne qui n'a pas de science, qui n'est pas un alim, c'est de poser la question à celui qui sait, sans se restreindre ou sans se limiter dans la quête du verdict qu'il recherche à un savant en particulier. Par exemple, tu ne vas pas dire aux gens, si tu cherches la réponse à une question dans l'islam, oh, si tu es maliki, tu dois juste poser la question à un savant du madhab maliki. Hein? Tu ne peux pas demander à un savant s'il est hanbali, ou un savant qui est shafi'i, ou hanafi. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit ça dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, fas'alou ahl al-dhikri, in kuntum la ta'lamoun, bil bayyinati wa zubur. Posez la question à ceux qui ont la science. Il n'a pas dit poser la question à un savant de tel madhab ou de tel madhab ou de tel madhab. Hein? L'important, le cheikh il dit, c'est que tu demandes à celui en qui tu as confiance en sa religion et sa science et sa piété, et tu fais ça en mettant en application le commandement d'Allah lorsqu'il dit, demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Il dit ensuite, ça c'est le verset 43-44 dans sourate An-Nahl. Il dit amma al-alim bi ahkam al-kitab wa as-sunnah fa wazifatuhu an-nazar feehima wa talab hukm Allah minhuma ala daw'i fahm as-salaf as-salih ridwanullah alayhim. Fa in lam ya'lam al-hukm fi mas'alatin ma nazzala nafsuhu manzilat al-awam alladhina la ya'lamun. فيقلد عندها من يثق فيه من أهل العلم. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne la personne qui a de la science, le savant qui connaît les règles du livre et de la sunna, son devoir à lui c'est d'analyser les textes et de chercher le verdict dans ces deux sources du Coran et de la sunna à la lumière de la compréhension des salafus salih. Il dit, si jamais il y a une question ou quelque chose dans laquelle il ne connaît pas le verdict, hein, un sujet quelconque, lui, il ne connaît pas le verdict à son sujet, qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans la même position que le musulman ordinaire qui ne connaît pas l'islam dans cette question-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va suivre, il va retourner à un savant en qui il a confiance et il va le suivre dans sa position. Il va faire le taqlid. D'accord? Donc faire le taqlid pour le musulman ordinaire, c'est pas interdit. Hein? Et c'est ça que le cheikh il explique. Il dit, mais sauf que le cheikh il dit wa ala al-ammi idha ma ajabahu al-mufti alladhi yathiqu fi ilmihi wa taqwahu wa wara'ihi ala su'al ala su'alihi an yata'abbada Allah bihi wa la yantaqilu min su'al 'alimin ila 'alimin akhar بحثا عما يوافق هواه فإن هذا من اتباع الهوى والتشهي. Donc la personne ordinaire, le musulman du commun, si par exemple il ne sait pas quelque chose, il demande au savant, le savant lui répond, c'est-à-dire il demande au savant en qui il a confiance, et il a confiance en sa piété et sa pratique et tout, donc il lui pose la question, le savant il va lui répondre, d'accord, et une fois qu'il lui répond, il suit la réponse que ce savant-là lui a donnée. Il ne va pas commencer à passer, à poser la question à un savant, puis à un autre, puis à un autre, puis à un autre, jusqu'à ce qu'il trouve ou qu'il tombe sur un savant qui lui donne la réponse qui vient en accord avec son désir et sa passion. Parce qu'il y a des gens comme ça. Hein? En anglais, ils appellent ça, les Américains, fatwa shopping. Hein? C'est-à-dire, tu fais du shopping pour la fatwa. Hein? Tu essaies de trouver celui qui va te donner la fatwa qui te convient à tes passions, à ton désir. Tu demandes à un, il te dit non, ça c'est pas permis, tu dois pas le faire. Ah, je vais aller demander à un autre. Tu vas demander à un autre, il te dit encore, non, c'est pas permis. Je vais demander à un autre. Jusqu'à ce que tu tombes sur un, peut-être qu'il a pas compris ou qu'il a moins de science ou des choses de ce genre. Puis là, il te dit oui, tu peux le faire, c'est correct. Ah, j'ai demandé à un savant, il m'a dit que c'est permis. Donc ça, c'est pas correct d'agir comme ça. Hein? Tu dois pas passer comme ça d'une personne à l'autre en suivant uniquement tes passions et tes désirs. Tu dois être sincère quand tu cherches une fatwa chez les ulama. Il dit وَنَبَّهَا أَهْلُ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَمِّ أَنْ يُنَزِّلْ فَتْوَى الْعَالِمِ لِغَيْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْعَالِمِ وَيَسْأَلُهُ عَنْ نَازِلَتِهِ فإن فتوى العالم تكون بحسب الاستفتاء فقد يكون في نازلة غيره ما ليس في نازلته وهو لا يفهم ذلك. يرحمك الله. Il y a une chose ici que le cheikh mentionne qui est très importante et que beaucoup de gens parfois ils tombent dans cette erreur là, et j'en ai vu beaucoup de monde qui justement même ici en France ou ailleurs ils tombent dans ce problème. Le cheikh il dit que les hommes de science ils ont mentionné que le musulman du commun, le musulman ordinaire, il ne doit pas prendre une fatwa qui a été donnée par un savant pour quelqu'un d'autre et se l'appliquer à sa propre situation. Il dit, il doit demander à un savant pour sa situation et sa question à lui, et prendre la réponse que le cheikh ou le savant va lui donner pour son problème à lui. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que la fatwa d'un savant correspond à la question qui a été posée. Si par exemple, toi tu poses la question à un cheikh dans un sujet, il va te répondre selon la question et il va t'expliquer selon le contexte de ce que tu lui as demandé. Maintenant, quelqu'un va prendre ta question ou va prendre la réponse que le cheikh t'a donnée pour l'appliquer à sa situation à lui, alors qu'il y a peut-être des paramètres dans la question qui divergent, qui sont différents de ta situation à toi. Donc c'est comme une sorte de diagnostic chez le docteur, chez le médecin. Tu vas toi chez le médecin parce que tu as certains symptômes. Tu dis au médecin, j'ai tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme. Le médecin dit, ah d'accord, donc toi tu as, hein, probablement que tu as ça, voici je te prescris tel médicament. Là tu sors de la pharmacie avec ton médicament, tu rencontres ton ami. Ton ami dit, moi j'ai ça, j'ai mal ici, j'ai mal ici, j'ai ça, j'ai ça. Tu dis, ah, dans ce cas-là, toi, t'as la même chose que moi. Hein? Et là, tu lui dis, prends mon médicament parce que ça, c'est ce que le médecin m'a prescrit. Alors que lui, il a une maladie tout à fait différente. Et ses symptômes ne sont pas exactement les mêmes que les tiens. Il y a des ressemblances, mais c'est différent. Donc, en agissant de la manière dont tu l'as fait, tu as essayé d'appliquer un médicament à quelque chose sans réellement savoir si la maladie était exactement la même. Et en fait, ceux qui font ça, en fait, c'est comme s'ils essaient de penser que parce que ils connaissent les symptômes ou qu'ils connaissent certains symptômes, qu'ils sont capables de prescrire un médicament pour la maladie en question, alors que c'est pas du tout le cas. Et la question dans le ilm de l'islam, c'est la même chose. C'est pas parce que le cheikh, il a répondu à une réponse et tu vois qu'il y a une ressemblance entre sa question et la tienne, que ça veut dire que la réponse à ta question va être exactement la même que la réponse que tu as trouvée. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Et c'est toujours mieux de retourner avec ta propre question à un cheikh pour avoir la fatwa, pour comprendre qu'est-ce que toi tu dois faire dans cette situation-là. Parce que des fois, il y a des paramètres qui sont différents, que toi tu comprends pas et que toi tu sais pas, hein. Et si tu les appelles, si tu les appliques à ta situation, tu risques de faire quelque chose qui n'est pas correct. Et donc le cheikh dit, وَلَا يُقَالُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَحَدِنَ النَّظَرُ وَالِاجْتِهَادُ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ فَهَذَا لَا يُطِيقُهُ أَحَدٍ وَهُوَ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ فَمِنْ أَيْنَ لِلْعَامِّ فَمِنْ أَيْنَ لِلْعَامِّ هَذَا الْأَمْرُ وآلته بل العالم قد يعتريه في بعض الأوقات أو في بعض النوازل ما يقف أمامه مع ما لديه من علم الآلة لا يحير فيه جوابا إلا قول لا أدري. Donc le cheikh il dit, donc on ne peut pas dire que tout le monde doit faire l'ijtihad et tout le monde doit analyser et comprendre le hukum par lui-même en analysant les textes et en extrayant de ces textes-là les verdicts par lui-même en utilisant sa raison, en utilisant les principes de la charia. Cette chose-là n'est pas possible de toute façon. Cette capacité-là, c'est quelque chose que même des savants, ils ne peuvent pas le faire dans tout. Il dit donc, si un savant qui a du ilm à certains moments ou dans certaines questions, avec tous les moyens qu'il possède et les sciences qu'il a, il reste parfois obligé de dire je ne sais pas, comment une personne ordinaire, un musulman du commun, serait-il lui capable de faire des jugements dans des questions comme ça, alors que le savant lui-même, il n'est pas capable. Ça, c'est un point qui est très important. Un autre exemple, le cheikh qu'il donne, al-ittijah al-hadari, la tendance vis-à-vis des questions de civilisation et de culture et autres. Il dit وله سبل فمنهم من يرى أن الحضارة والتقدم هي أن تأخذ ما عند الغرب كما هو وأن التفسير الديني للنصوص في كل عصر بحسبه فللقرآن تفسير في زماننا غير تفسيره أيام الصحابة وهذا أحاديث وكذا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من يرى أن الحضارة بدعة فينبذ كل ما جاءت به فلا يركب السيارات ولا يستفيد من التكنولوجيا الحديثة بشيء فهو إلى اليوم يركب الخيل والبغال وسيلة مواصلات ولا يستعمل التليفون ولا ولا ولا إلى آخره والصراط المستقيم أن يقبل الحضارة الغربية أو من الحضارة الغربية ما وافق الدين أو لم يخالفه أما ما يخالف الدين فلا اعتبار له فلا نأخذ من حضارة الغرب ما يتنافى مع الإسلام أما ما هو من خصائصهم في حياتهم أو ما هو من خصائصهم في حياتهم إذ الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من التشبه بالكفار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه والله من تقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. Donc le cheikh il explique maintenant une autre tendance, c'est comme j'ai dit la tendance par rapport à la civilisation, la culture et des choses de ce genre. Et il dit qu'il y a plusieurs sentiers par rapport à ça. Il dit parmi les gens, il y en a qui considèrent que la civilisation et la modernité, il faut prendre tout ce qui vient de l'Occident et qu'il faut interpréter les textes religieux selon l'époque. Donc l'interprétation du Coran à notre époque doit être différente de l'interprétation de l'époque des Sahaba. De même pour les hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est une tendance. Il dit, il y en a d'autres qui considèrent que la civilisation en elle-même est une innovation et qu'il faut rejeter tout ce qui vient de nouveau. Et donc cette personne-là, elle va refuser de monter en voiture. Elle veut pas profiter de quoi que ce soit de la technologie moderne. Et elle veut jusqu'à aujourd'hui, elle va uniquement monter à dos de cheval ou à dos d'âne comme moyen de transport. Et ils vont pas utiliser le téléphone ou quoi que ce soit de qu'est-ce qui existe comme moyen moderne. Et il dit le cheikh que le droit chemin par rapport à ça, c'est plutôt qu'on doit accepter de la civilisation occidentale ce qui est en accord avec la religion ou qui ne contredit pas, c'est accepte ce qui ne contredit pas l'islam. Par contre, si quelque chose contredit l'islam dans la civilisation occidentale, dans la technologie, alors dans ce cas-là, on ne le considère pas. Et donc, on ne va pas prendre de la civilisation ou de la culture occidentale ce qui vient en contradiction avec l'islam, mais ce qui fait partie des particularités de leur vie. Il y a des choses qui ont rapport en particulier avec leur culture et leur religion et leur société qui sont spécifiques à eux. Ça, on ne va pas le prendre non plus. Il dit, puisque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il nous a avertis contre le fait d'imiter les koufars. On n'a pas le droit de les imiter. Donc qu'est-ce qui fait partie de quelque chose de spécifique aux kuffars? On n'a pas le droit de les imiter là-dedans. Et le cheikh, il dit que, il mentionne des hadiths à ce sujet-là. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été envoyé avec l'épée jusqu'à ce que Allah soit ordonné, jusqu'à ce que Allah soit adoré sans partenaire. Et ma subsistance a été placée à l'ombre des lances. Et l'humiliation et la petitesse a été mise sur toute personne qui contredit mon commandement. Et quiconque imite un peuple est un des leurs. Donc ça, c'est un hadith qu'il mentionne pour établir l'interdiction d'imiter les kuffars. Et l'autre hadith qu'il mentionne, c'est que il dit que Aïcha radiallahu anha, elle a mentionné que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le choix entre deux choses, excepté qu'il choisissait toujours la plus facile des deux, tant que ça ne comprenait pas un péché, ou tant que ça n'impliquait pas de faire ce qui est péché. Et si il y avait un péché, eh bien il s'éloignait le plus des deux, de celui, c'est-à-dire que si il y avait deux péchés, il prenait celui qui est le plus loin du péché d'entre les deux. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, je jure par Allah que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais vengé pour lui-même. Il s'est jamais vengé par rapport à sa propre personne. Et il dit, si jamais un des droits ou quelque chose des interdictions d'Allah était transgressé, ou quelqu'un faisait quelque chose qui dépassait la limite des interdictions d'Allah, alors dans ce cas-là, il se vengeait pour Allah. Donc, il ne se venge pas pour lui-même. Il ne se fâche pas pour lui-même. Il se met en colère pour Allah seulement. Donc je pense que pour l'instant, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on va continuer ça, Inch'Allah, après la prière de Asr, bi'idhnillah, puis on aura le temps de terminer cette risala, Inch'Allah. Donc on s'arrête au troisième point, avant le troisième point, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, il y a quoi.